Voici Monsieur Guillaume. Yes. Oui. Merci les amis. Ça va les amigos? Mais tellement ouais. bien. Ça y est. Hein. Quoi ouais. Je suis propriétaire. Mais non. De quoi? Ah ouais, ça dépend, ouais, de quoi? Franchement, j'hésitais à en parler dans cette émission et tout. Forcément, je dis, on connaît tous Morgane et son rapport à l'argent. Je me suis dit, si par malheur, à la fin, je suis propriétaire, elle va plus me lâcher, quoi. Tu vois, moi, j'ai rien contre les meufs vénales. Hein. Mercredi, je dîne chez Leïla. Donc, tu vois, Leïla, je lui ai dit, je ramène quelque chose. Elle m'a dit 130 euros. je trouve que c'est beaucoup pour des coquillettes. Tu vois, bon, même j'ai quand même un bonnet mental. Mais enfin, Morgane, c'est pire. On est juste collègues. Elle veut qu'on ait un compte commun, tu vois. Donc, enfin, soit. C'est un cap, hein, devenir propriétaire. Je suis enthousiaste et en même temps, j'ai la trouille. J'avais eu la même chose quand on m'a enlevé mon prépuce. Ouais, j'ai pas osé le jeter. J'ai jamais osé le jeter. Je l'ai gardé à la maison dans un boîtier de DVD. Je sais que Nagui, lui, l'a enterré au Père Lachaise à côté d'Hervé Christiani. Mais moi, j'ai entendu l'émission. Vous avez dit que vous avez gardé votre prépuce. Non, la tradition est de l'enterrer dans le jardin, mais pas forcément à côté d'Hervé Christiani. Pardon, j'ai mal compris. Alors. Moi, je l'ai gardé mon prépuce au cas où. Tu vois, j'ai 2-3 notions de couture. Je me dis, si je veux le remettre, c'est un point zigzag et une surpiqûre. Honnêtement, je peux même ajouter un bouton pression, tu vois, comme ça, si je veux mettre mon bomber. Au cas où, tu vois, si t'as froid. Mais un appart, c'est un vrai grand saut. Je me suis toujours dit, moi, je veux pas d'attache. Locataire, c'est bien. À tout moment, je quitte tout et je me barre à l'étranger. Et après, j'ai analysé ma vie. Et je me suis rendu compte que le plus loin où j'étais, c'est la Ciotat. Vraiment. Moi, il n'y a jamais personne qui m'a dit, putain, tu me fais tellement penser à Bernard Lavilliers. Jamais personne m'a dit ça. Tu vois, moi, je vis à Bruxelles, je mourrai à Bruxelles. Le peu que je connais du monde, c'est grâce à Thalassa. Vraiment. Et encore le vendredi soir, souvent, j'ai un mini-foot. Du coup, c'est pas si illogique. C'est pas si illogique pour moi d'acheter à Bruxelles. Enfin, acheter à Bruxelles. La notaire, elle m'a lu le mandat, le contrat de crédit et l'acte. Elle m'a fait, vous avez tout compris. Je fais, honnêtement, pas un mot, quoi. Elle m'a parlé en swahili. Vraiment, si ça se trouve, j'ai acheté une grange à Charleville-Mézières et je vais devenir éleveur. Dans 3 ans, je reviens comme invité, tu vois, avec mon concept de fromage de lama. Vraiment, alors la consistance, on dirait du brie. Vraiment, j'ai rien compris. Juste quand j'ai signé, la notaire, elle m'a fait un sourire. Elle m'a dit, eh bien voilà, bravo, vous êtes officiellement endetté pour 25 ans. Elle m'a dit ça. Ouais. C'est pour ça qu'on dit jamais marrant comme un notaire, tu vois, vraiment, c'est rare que t'entendes. J'ai lu un codicille, il y avait v'là les punchlines. Non, c'est quand même... Mais bon, elle a raison. C'est un vrai engagement, le premier de ma vie, putain. Pour une fois que je m'engage, c'est avec un banquier, vraiment, tu sais quoi. L'appart, il sera vraiment à moi quand j'aurai 65 ans. 65 ans, moi, d'où je vais atteindre 65 ans? Moi, j'ai l'espérance de vie d'humain du Pléistocène. Vraiment, tu sais quoi, j'ai vu une voyante, je lui ai dit, vous croyez que c'est mieux que je loue ou que j'achète? Elle m'a dit, franchement, moi, je conseille l'hôtel, frérot, franchement. Ibis Styles, max 3 nuits de suite, pas plus. Vraiment, putain, 25 ans remboursé, je vais devoir sécuriser mes revenus. Moi, faut que je travaille plus. Là, je comptais arrêter France Inter la saison prochaine. Là, j'ai croisé Laurence Bloch, je lui ai proposé 2 émissions culinaires et la surveillance de la cantine. Vraiment, là, je finis mon texte, je vais préparer la météo. Vraiment, j'ai besoin de thunes. Jusqu'ici, je faisais mes chroniques pour faire rire les gens. Celle-ci, je la fais pour payer un store. Vraiment, enfin, un store, on se comprend. Tu vois, avec une chronique, je peux acheter un cash pour un interrupteur. Quoi. Vraiment, tu sais quoi, faut que j'en fasse plus dans l'émission. Là, j'ai engagé un détective pour surveiller Tanguy Pastureau. Je vais faire fuiter des trucs sales. Vraiment, je parle même pas de son amitié avec Robert Ménard. Ça, c'est assez sur son compte Insta. Tanguy, il a mis un swipe up vers la mairie de Béziers. Tu vois. Mais je vais trouver du vrai dirty dans sa vie. Je vais passer 5 chroniques par semaine. Tu vois, pour que je quitte France Inter, il faudra venir me sortir avec le GIGN. Je te jure, franchement, je vais vous donner du Ernesto, fils du Déacou. Vous allez me dire, on a déjà entendu cette blague. Je ne veux pas le savoir. Moi, ça va être comme ça. En vrai, je sais pas pourquoi je fais ça. Putain, je me mets la courbe au cou. C'est Chateaubriand qui disait en plus, on est de passage, on n'est jamais propriétaire de rien. Ouh. C'est vrai. Et sincèrement, j'hésite à avouer que c'est pas vraiment une citation de Chateaubriand. je serais passé à la vanne suivante sans rien dire. Ce serait passé crémasse, quoi. Tu vois, les gens, ils seraient dit, putain, il a commencé avec un prépuce, il a fini avec Chateaubriand. Il est tellement fort, il mérite 5 chroniques par semaine. Tu vois, vraiment, c'est un monstre. Voilà, j'ai les 5 tiennes. Morgane, tu sais quoi, un compte commun, c'est quand tu veux. Allez, bonne émission. Merci, bravo. Et donc, pour payer tes mensualités, il faut aller te voir sur scène aussi. Alors, j'arrive pas à te relire, mais il y a un truc à Saint-Étienne de... Mont-Luc. De Mont-Luc. Pas le lire à l'envers. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire, oui. Et Clermont-Ferrand. Et à Clermont. Et à Clermont. Passé, voilà. Mais à passer, voilà, j'ai pas réussi à lire.